Alors j'ai monté des moules de violon. Ah bon, ça consistait en quoi? Eh ben, dans le coffre. Vers le coffre, moulet, je... Ah, j'avais un moule comme ça, mais de violon. Mm-hmm. Alors c'était des moules en dedans. Ah oui, d'accord. Mm-hmm. Et puis on montait le moule, on posait le fond et la table. Et tout le reste, c'était un... c'était relié à la machine. C'était...